c'est super cuit le vendredi. Mais j'ai pas de bière et pas d'amis. Alors je reste tout seul chez moi. Je regarde Truffaut, je bois du coca. Madame Alves vient de rentrer chez elle avec son mec comme d'habitude. Il y a un monde de dingue partout dans les rues, mais je connais personne comme d'habitude. C'est super cuit le vendredi, mais j'ai pas de bière et pas d'amis. Alors je reste tout seul chez moi. Je regarde Truffaut, je bois du coca. Je rentre seul comme un con chez moi. J'embrasse mon chat comme d'habitude. Il n'y a plus que mon magnétophone à qui raconter ma soirée comme d'habitude. C'est super cuit le vendredi, mais j'ai pas de bière et pas d'amis. Alors je reste tout seul chez moi. Je regarde Truffaut, je bois du coca. Ma guitare pourrie, la même que depuis mélodie à la con comme d'habitude. Mais je fais ça parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Et après quoi, comme d'habitude. C'est super cuit le vendredi, mais j'ai pas de bière et pas d'amis. Alors je reste tout seul chez moi. Je regarde Truffaut, je bois du coca. J'ai pas de bière et pas d'amis.